Chapitre 9. Certains parmi nos plus grands penseurs soutiennent qu'il y a incompatibilité entre l'art du dessin et la technologie. L'existence des deux mondes découlerait de cette incompatibilité. Elis Miltruif, maître dessinateur à l'Académie d'Alget. Il a bien reçu le message ? S'inquiéta Salim. Il se trouvait avec Camille et Mathieu dans une rue du centre-ville, adossée comme eux à la grille du théâtre. Camille leva un pouce joyeux. « Au poil !» lança-t-elle. « Tout va s'arranger. »« Camille ?» Elle regarda son ami. Lui, d'ordinaire si gai, avait l'air préoccupé. « Que t'arrive-t-il ? Tu donnes l'impression d'avoir avalé de travers. »« Björn ne t'a pas dit s'il était fâché après moi ?» Camille prit une mine soucieuse. Il a juste laissé entendre que lorsqu'il t'attraperait, il commencerait par les oreilles. Salim, comprenant qu'elle se moquait de lui, respira plus librement. Mathieu nota toutefois qu'il n'avait l'air qu'à moitié rassuré. Ils prirent la direction du commissariat. Camille ne voulait pas repartir sans être sûre que Björn était tiré d'affaire. Elle désirait assister à son pas sur le côté. Le chevalier ne mettrait pas longtemps à utiliser la voyageuse. Il fallait donc qu'il se dépêche. Mathieu passa un bras sur les épaules de sa sœur. Il prenait doucement conscience qu'il arpentait peut-être ces rues pour la dernière fois et les regardait avec un œil où l'émotion le disputait à l'allégresse. Camille avait l'impression de lire dans les pensées de son frère. Il était heureux. Elle partageait ce bonheur avec lui de tout son cœur. Ils s'installèrent à la terrasse d'un café, séparés de l'entrée du commissariat par une placette et un carrefour peu fréquenté à cette heure de la journée. Ils commandèrent des boissons et un sandwich pour Salim. « Je n'ai rien mangé hier soir, » expliqua-t-il. « Et rien non plus ce matin. Vous rendez-vous compte qu'il y a des choses qui arrivent à me couper l'appétit ? Incroyable, non ?»« En effet, » acquiesça Mathieu. « En tout cas, elle n'arrive pas à te couper la parole, » se moqua Camille. Salim prit un air faussement blessé. « Je suis un incompris, » gémit-il. Là où je sème l'art et la beauté du verbe, je ne récolte que l'indifférence ou l'irritation d'individus totalement dépourvus de grandeur d'âme. Mathieu poussa un sifflement admiratif. Jolie phrase. Et sans le moindre rapport avec ce qui précède, l'interrompit Camille. Regardez! Elle avait saisi l'avant-bras de son frère et désigné le commissariat. Les deux garçons tournèrent la tête au moment où un fourgon bleu, aux vitres grillagées, s'engageait sur la chaussée. « Vous croyez que c'est lui ?» demanda Salim. « Probable, » chuchota Camille. « Soyons prêts. » Le véhicule s'avança jusqu'à un feu rouge. Il n'était qu'à une dizaine de mètres de la terrasse du café. Camille discernait parfaitement les deux policiers assis à l'avant. Le feu passa au vert et le fourgon s'ébranla. Tout d'abord, les trois spectateurs crurent que les embardés auxquels ils assistaient provenaient d'un mauvais réglage du moteur. Mais il fut vite évident que ce n'était pas du tout le cas. Un mini-cataclysme ravageait l'arrière de la camionnette. Le conducteur, alerté par le bruit, stoppa son véhicule. Il jaillit de l'habitacle avec son collègue, au moment où les deux portes arrière s'ouvraient à la volée. Björn apparut dans l'ouverture, le visage hilar. Derrière lui, on apercevait les corps étendus de trois gardiens. « De l'air !» hurla le chevalier. Et il sauta dans la rue. Le conducteur et son collègue dégainèrent leurs armes et foncèrent vers lui. Camille serra les mâchoires. Pourquoi Björn ne s'était-il pas contenté de s'éclipser discrètement ? Il allait réussir à se faire tirer dessus. Elle se glissa dans l'imagination. Quand les policiers arrivèrent sur Björn, l'un tenait un journal en guise de revolver et l'autre un saucisson sec. Le chevalier les saisit délicatement à la nuque. Leurs crânes s'entrechoquèrent avec un bruit abominable. Ils s'affaissèrent lourdement. La scène avait eu de nombreux spectateurs qui reculèrent d'un pas quand Björn se tourna vers eux. Le chevalier éclata d'un rire énorme et se fendit d'une révérence. « Messieurs, dames, » lança-t-il d'une voix de stentor, « je vous salue bien bas !» Puis soudain, il cessa tout simplement d'être là. Des hurlements s'élevèrent dans la foule auxquels répondit une sirène de police. « Génial !» s'exclama Salim. « Quel artiste ! Vous avez vu ce départ ?» J'aurais dû me douter que ça te plairait, maugréa Camille. Il a failli se faire tuer et tu trouves ça génial. Je... Excusez-moi, l'interrompit Mathieu, Mais nous devrions nous éloigner, nous sommes aux premières loges. Il ne faudrait pas que quelqu'un, l'inspecteur Franchina par exemple, vous reconnaisse. Tu as raison, approuva Salim, heureux de changer de sujet. Filons d'ici. Ils se levèrent sans hâte et quittèrent les lieux. Les curieux affluaient et l'endroit allait grouiller de policiers. Leurs pas les conduisirent dans le parc. « C'est le moment pour nous aussi ?» demanda Mathieu. « Oui, » répondit-elle. « Vous êtes prêts ?»« Prêt, » acquiesça Salim. « Prêt, » répéta Mathieu. Camille se projeta dans l'imagination. Merwin avait sans doute prévu que Mathieu rentrerait avec Bjorn grâce à la deuxième voyageuse. Emmener deux personnes avec elle requérait un pouvoir qu'elle ne possédait pas. Pourtant, son pas sur le côté fut d'une facilité déconcertante. Elle n'eut presque pas conscience de son dessein. Ils disparurent.